Cette bifurcation est dangereuse. D'où l'intérêt d'avoir placé à cet endroit cette balise d'obstacles. De jour, si on est en possession de tous ses moyens, tout se passe bien. Mais la nuit, sans la balise qui réfléchit très bien la lumière des phares, il peut se produire un accident de ce type. Les balises qui concernent les passages à niveau sont celles-ci. Et les balises d'intersection sont celles-là. Réponse A.